me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel était le régime alimentaire des primates et plus tard celui des hommes de Néandertal et des Homo sapiens? Que peut-on apprendre de l'analyse de l'isotope du zinc? Pourquoi chasser un gros animal comme l'éléphant et quel était le coût énergétique de cette prédation pour les hominines? Après la chasse, les hommes sont-ils plus enclins au partage que certains singes? Quelle était la place du poisson dans le régime de nos ancêtres et quand avons-nous commencé à cuire les aliments? Étions-nous si carnivores ou faut-il nuancer ce scénario à la lumière des dernières découvertes? Demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, Jean-Jacques Hublin interroge notre rapport à l'extraction et à la consommation de l'énergie des premiers hominoïdes à Homo sapiens dans le cadre de sa nouvelle série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». Nous avons vu dans les cours précédents que les hominines se sont dotés d'un grand cerveau qui apporte un certain nombre d'avantages, mais qui est très consommateur d'énergie. Aussi, les hommes ont-ils développé des stratégies d'économie et de riches apports. Or, l'alimentation joue un rôle central dans les questions de la gestion de l'énergie. Dans une interview donnée au Point en 2016, le chercheur rappelait, je le cite, si notre cerveau a pu autant se développer, c'est grâce à l'étroite collaboration qu'il entretient avec notre système digestif. Et si notre système digestif est devenu si efficace, c'est grâce à notre cerveau. L'un et l'autre sont indissociables, ils ont coévolué pour des raisons essentiellement énergétiques. Au repos, le cerveau consomme à peu près 20% de toute l'énergie produite par notre corps, alors qu'il ne représente que 2% de sa masse. D'où vient cette énergie ? De l'intestin, qui extrait de nos aliments le carburant du cerveau. Le paléanthropologue, qui s'appuie sur une approche résolument plurielle, interdisciplinaire, à la pointe des nouvelles technologies, s'est interrogé hier sur les possibilités de reconstituer le régime alimentaire de créatures vivant il y a 1 million, 2 millions d'années. Parmi les différentes études, celle sur les isotopes qui a une place particulière et notamment les célèbres isotopes du carbone et de l'azote. Ces derniers participent à la constitution de molécules organiques comme le collagène. On désigne par isotope, indique le dictionnaire Larousse, chacun des différents types de noyaux atomiques d'un même élément, différents par leur nombre de neutrons, mais ayant le même nombre de protons et d'électrons, et possédant donc les mêmes propriétés chimiques. Ainsi, l'isotope constitué de 6 protons et de 14 neutrons est appelé carbone 14. Jean-Jacques Hublin rappelle qu'on étudie tous ces isotopes car ils nous informent sur les processus qui sont physiologiques, comme celui de la digestion et de fixation des molécules dans les tissus vivants. Ils permettent des datations précises et aujourd'hui ils s'attachent à d'autres isotopes tels celui du zinc, avant de revenir dans une perspective critique à l'hypothèse d'un Homo sapiens hypercarnivore et au mystère des Néandertaliens dont les valeurs isotopiques pour l'azote 15 sont au-dessus du loup. Que mangeaient-ils donc ? Et nous gagnons le Collège de France le 31 octobre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, l'alimentation. On fait beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer d'obtenir d'autres indicateurs de l'alimentation. Alors, je vous ai parlé du soufre, ça existe depuis un petit moment. On utilise aussi le strontium. Et récemment, ça c'est un travail qui se mène dans mon laboratoire, une jeune chercheuse qui s'appelle Clervia Jaouen, qui comme son nom l'indique est bretonne, a fait porter ses efforts sur les isotopes du zinc. Et elle a montré qu'on pouvait utiliser les isotopes du zinc un petit peu comme on utilise les isotopes de l'azote. Alors, ça marche en sens inverse, c'est-à-dire que là, les valeurs basses, elles sont plutôt du côté des carnivores, et les valeurs faibles, plutôt du côté des herbivores. Alors, vous me direz, si on a le même genre d'information avec le zinc qu'avec l'azote, pourquoi on s'embête avec le zinc ? Eh bien, on s'embête avec le zinc parce que le zinc, ben lui, il n'est pas contenu dans les molécules organiques. Et donc, on le trouve dans les mailles dentaires, on le trouve dans l'os. Et en théorie, il n'y a pas de limite chronologique à l'utilisation de ce rapport isotopique pour reconstituer le régime alimentaire. Donc, on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps que, disons, 100 ou 150 000 ans. Et on fonde de gros espoirs sur ces études qui utilisent le zinc. Alors, dernière remarque à propos de ces dosages isotopiques. Je vous ai expliqué que l'usure dentaire, dans le fond, nous donnait une information sur ce qui s'était passé dans les derniers jours, les dernières semaines de la vie de l'individu. Alors, avec ces valeurs isotopiques que l'on extrait donc de l'os ou du collagène, là, on a une mesure de quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans le temps. Pourquoi ? Parce que soit on utilise des valeurs obtenues sur des échantillons dentaires, de l'émail dentaire ou de la dentine, et là, ça nous donne une information sur un moment précis du développement. C'est-à-dire, que s'est-il passé au moment où se développaient cette dent-là, par la première molaire, ou la deuxième molaire, ou la troisième molaire. Donc, c'est une espèce de voyage dans le temps, dans l'enfance de l'individu. Hein. Et on peut obtenir un résultat qui est assez différent, dans le fond, de la réalité de son régime alimentaire au moment où il est mort adulte. Et pour ce qui est de l'os, là, on obtient des valeurs qui, dans le fond, nous donnent une moyenne des régimes alimentaires sur une longue période de temps. Quand je dis une longue période de temps, je parle d'un grand nombre d'années. Hein. Et cela, c'est lié au fait que, en particulier avec l'os, on travaille sur des organes qui sont constamment remodelés au cours de la vie. Donc, une de vos côtes, par exemple, n'est pas la côte que vous aviez il y a 10 ans. C'est une nouvelle côte. Cette côte, elle a été lentement grignotée, reconstituée, rebâtie, et donc c'est une côte qui n'a plus rien à voir avec la côte de départ. Et donc, si on extrait du zinc ou du carbone ou n'importe quoi de cette côte-là, eh bien, ça va donner une information, alors non pas sur ce que vous avez mangé la semaine dernière ou le mois dernier, mais sur ce que vous avez mangé pendant 8 ans ou 10 ans. Hein, donc il y a cet aspect-là. Donc voilà les outils dont on dispose. Alors maintenant, venons-en à la nourriture elle-même. Donc avec tout ça, on essaie de reconstituer le régime alimentaire des hommes fossiles. Je vous ai dit que, dans le fond, ces adaptations particulières aux hommes en termes de gestion de l'énergie et d'extraction de l'énergie de l'environnement étaient liées au coût énergétique du cerveau. Et donc, tout naturellement, on a été tenté de regarder ce qui se passait au cours de l'évolution humaine au moment où notre cerveau, plutôt celui de nos ancêtres, a commencé à augmenter en taille de façon très significative. Et on a une espèce de point de départ qui est autour de 2,5 millions d'années. Et vous voyez qu'à partir de cette époque-là, on a des hominines qui ont des cerveaux en valeur absolue de plus en plus grands. Et puis, surtout, à la fin, cette taille du cerveau, elle augmente indépendamment de la masse corporelle. Alors la question, évidemment, qui se pose, c'est que se passait-il avant et que s'est-il passé au moment où on a cette espèce de décollage. Alors que se passait-il avant? Évidemment, c'est important de savoir d'où l'on part, si je peux dire, et notamment de regarder quel est le régime alimentaire des primates qui sont proches de l'homme, en pensant que peut-être en regardant ce régime alimentaire dans plusieurs espèces, on va avoir une idée du régime alimentaire de l'ancêtre commun aux hominines et à ces grands primates. Et on a fait beaucoup de travaux sur le régime alimentaire des grands singes. Alors, le régime alimentaire des grands singes, il est massivement végétal, donc énormément de, pour les chimpanzés, énormément de fruits, de feuilles, de bourgeons, de choses comme ça. Mais déjà, on a une petite proportion de ce régime alimentaire qui est fourni par des protéines animales. Alors les protéines animales, ça peut être des insectes, des larves, des choses comme ça, des petits animaux, mais ça peut être aussi des animaux qui ne sont pas si petits que ça. Et on a depuis longtemps décrit des comportements de chasse chez les chimpanzés. Et donc, tout ça pour dire que ce comportement de chasse, ce comportement de prédation, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça de façon brutale chez l'homme, c'est quelque chose qui existe très probablement déjà, et vous allez en voir quelques indices, chez des ancêtres même lointains. Alors voilà le genre de gibier que les chimpanzés du parc de Gombe en Tanzanie capturent et consomment, essentiellement des petits singes, des colobes rouges, et singulièrement des jeunes individus, hein, des juvéniles, des enfants, même des nouveau-nés, mais quand même quelques adultes, et aussi occasionnellement d'autres animaux, des petites antilopes, des petits babouins, des petits, enfin tout ce qui, en gros, sont capables d'attraper, ils le mangent. Ce spectre de gibier qu'on trouve dans ces groupes de chimpanzés, c'est quelque chose qui varie d'un groupe à l'autre, et qui varie d'un groupe à l'autre pas seulement en fonction de la disponibilité de ces espèces dans l'environnement. On a parlé à un moment donné de culture chimpanzée, il y aurait beaucoup à dire sur le terme culture, mais disons que les groupes de chimpanzés ont des traditions, hein, et certains ont la tradition de manger ou de chasser plutôt un type de gibier qu'un autre. Un autre aspect particulier, je vous montre ça juste pour vous rappeler à nouveau cette histoire de saisonnalité, ce diagramme vous montre le nombre de captures de ces petits animaux en fonction du mois de l'année, et vous voyez qu'il y a une variation très très forte entre la saison sèche et la saison humide, et c'est alors probablement d'une part en fonction de ce qui est disponible comme autre nourriture dans l'environnement, et puis aussi peut-être aussi de la facilité avec laquelle on peut attraper ces animaux en fonction de la saison. Alors ce qui est important à noter à propos de ces captures de petits animaux par les chimpanzés, c'est que c'est une nourriture qui n'est pas très partagé, si je peux dire, au sein des groupes de chimpanzés. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les sociétés humaines étaient des sociétés de partage. Les chasseurs ramènent du gibier non seulement à leur famille, mais surtout au groupe auquel ils appartiennent, et il y a des règles souvent très strictes de redistribution de la viande qui est ramenée au groupe par un chasseur. Alors ce qui se passe avec les chimpanzés, c'est que quand on regarde les valeurs isotopiques du carbone et de l'azote dans un groupe de chimpanzés, il s'agit ici de chimpanzés de la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire, Eh bien, dans le fond, ceux qui ont des valeurs très élevées en azote 15, eh bien, sont les chasseurs. Donc, les meilleurs chasseurs sont ceux qui mangent la viande. Hein. Et éventuellement, ils vont en donner. Là, vous voyez une photo d'une femelle qui mendie un peu de viande aux chasseurs qui sont en train de la consommer. Bon, occasionnellement, ils vont en donner un tout petit peu, mais en gros, quand on regarde ces valeurs isotopiques chez des chimpanzés dont on connaît le pédigré, eh bien, on voit que c'est surtout les mâles, et c'est singulièrement les mâles qui sont les meilleurs chasseurs, qui mangent de la viande, et les autres ont un régime beaucoup plus végétal. Alors, venons-en aux premiers hominines. Je vous ai donné cette date autour de 2,5 millions pour le décollage de la taille du cerveau. Ben justement, c'est autour de 2,3 millions, 2,5 millions qu'on commence à trouver à la fois des outils de pierre et puis des restes d'animaux qui sont découpés avec des os écrasés, des choses comme ça. Alors vous allez voir que cette date, en tout cas, on a eu tendance au cours des dernières années à la tirer de plus en plus vers le passé. On a trouvé en Kenya, il n'y a pas très longtemps, des industries lithiques beaucoup plus anciennes, qui ont plus de 3 millions d'années. C'est pas très bien à quoi servaient ces outils de pierre. Peut-être qu'ils servaient à quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation de viande animale. Hein. Et puis vous allez voir qu'on a quelques traces de découpe sur des os qui sont aussi au-delà de 3 millions d'années. Quand on regarde les valeurs isotopiques du carbone, il n'y a pas d'azote là dans ces fossiles très anciens, on se rend compte que au cours des derniers millions d'années, ce à quoi on assiste en Afrique, c'est une évolution vers une consommation de plantes en C4 de plus en plus abondante. Probablement qu'on a à la fois là des espèces comme les premiers représentants du genre Homo qui sont des consommateurs de viande occasionnelle, peut-être plus que nos chimpanzés ou nos australopithèques qui précèdent, et puis aussi des espèces, en particulier ces paranthropes avec ces mandibules extrêmement robustes qui semblent être des espèces qui se sont spécialisées dans la consommation de plantes en C4. Donc, en fait, ce que nous disent ces traces de Dikika, ce que nous disent aussi peut-être les outils de l'Ouest Turkana, c'est que, dans le fond, on a un comportement qui préexiste déjà chez des grands singes, qui existe très certainement chez l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés, qui est là aussi chez les australopithèques, et qui va, se développer de façon beaucoup plus marquée après 2 millions d'années. Et on a aussi des indications qui sont des indications d'ordre anatomique qui suggèrent que ces australopithèques, donc qui précèdent les hommes, eh bien, dans le fond, ils ont une capacité à manipuler des objets qui est assez similaire à celle que les hommes ont aujourd'hui. On le sait à la fois par l'anatomie osseuse, c'est-à-dire par exemple les proportions des phalanges des doigts, la longueur du pouce par rapport aux autres doigts, qui est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a chez des chimpanzés. Et puis on peut aussi regarder à l'intérieur des phalanges ou des métacarpiens, on peut regarder la densité osseuse, l'orientation des trabécules dans l'os, et on a déjà chez les australopithèques des caractères qui suggèrent qu'ils ont la capacité d'empoigner des objets de façon ferme, comme le ferait un homme aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on attend dans le fond d'une espèce qui est capable d'utiliser des outils en pierre pour couper, casser, etc. Alors que je vous le rappelle, les chimpanzés ont des mains qui sont quand même essentiellement adaptées à la locomotion, soit pour se suspendre, soit pour se déplacer de façon quadrupède. Alors effectivement, de façon, j'allais dire, presque attendue, à partir de 2 millions d'années, on va voir se développer de plus en plus ces sites où on a des ossements qui sont fracassés, des ossements qui portent des traces de découpe, donc tout ce registre archéologique. Et encore une fois, on a donné beaucoup d'attention à tout ce qui était ressources animales pour ces représentants du genre Homo, en particulier Homo erectus, il y a 2 millions d'années ou un petit peu moins. On a récemment mis en évidence le fait que ce n'est pas seulement les mammifères qui sont exploités par ces Homo erectus, mais ce sont aussi des ressources aquatiques. Et ces ressources aquatiques, on les avait peut-être un peu négligées. Pourquoi ? Bien parce qu'on n'était pas toujours capable de reconnaître sur les fragments d'os de poissons ou d'autres animaux aquatiques des traces de découpe aussi visibles que celles que l'on trouve sur les os de mammifères. Cette exploitation du monde aquatique, c'est quelque chose qui est important non seulement sur le plan de l'obtention d'une nourriture riche et riche en calories, mais aussi parce que c'est une alimentation qui peut fournir des aliments qui sont riches, par exemple, en acides gras, qui sont importants pour le développement cérébral et qui sont des éléments qui ne se trouvent pas facilement dans la nourriture des chasseurs-cueilleurs qui exploitent des mammifères, en tout cas tels qu'on l'imagine. Donc cette exploitation du monde aquatique, en tout cas des berges, des lacs, c'est quelque chose qui est ancien. On a d'ailleurs en Afrique de l'Est des sites où on trouve énormément de traces de pas d'hommes qui ont longé ces lacs dans tous les sens. On trouve proportionnellement plus de traces d'hommes que d'autres espèces de mammifères le long de ces lacs. Et manifestement, ils étaient à la recherche de ce genre de nourriture. Alors sur le plan, je vous l'ai dit, sur le plan isotopique, on a ce signal du carbone, mais le carbone, le problème, c'est que ça ne nous dit pas trop si c'est l'herbe, si c'est le zèbre, ça nous dit quel genre d'environnement, dans le fond, est exploité. On a essayé de mettre à profit d'autres isotopes. Je vous ai parlé un petit peu du zinc. On a utilisé aussi le strontium et le barium. Et vous voyez, dans cette étude de Balter et collaborateurs de 2012, qu'effectivement, les premiers représentants du genre Homo se distinguent des autres espèces dominines plus anciennes, Australopithèque ou Paranthrope. Alors c'est en fait surtout ce qu'on appelle des représentants du genre Homo, enfin des représentants primitifs du genre Homo, disons après 2 millions d'années plutôt qu'avant 2 millions d'années. Donc il semble bien que c'est plutôt autour de 2 millions d'années qu'il y a ce changement de comportement. Vous notez aussi que vous voyez que certaines espèces, par exemple l'Australopithecus africanus, dans le fond, produit des mesures qui montrent un spectre alimentaire très très large. Hein. Et donc probablement qu'on a affaire à des espèces qui sont capables d'exploiter toutes sortes de ressources. Alors à l'occasion des ressources animales style mammifère, un peu comme les chimpanzés, mais aussi des insectes et puis toute une variété de plantes, ce qui fait qu'on a cette très très grande variabilité. Et du point de vue énergétique, donc vous l'avez compris, les hominines, avec leur cerveau qui est très très coûteux à faire fonctionner et à faire croître, eh bien les hominines se sont orientées vers des nourritures riche en calories, en particulier la viande et les matières grasses extraites du gibier. Maintenant, d'un point de vue strictement énergétique, la question qui se pose, c'est, évidemment, c'est très intéressant de manger de la viande et de manger de la graisse. Ça produit beaucoup plus de calories que de manger des feuilles. Maintenant, les feuilles, ce qui est agréable avec les feuilles, c'est qu'elles ne se sauvent pas. Donc on peut les manger sans se donner trop de mal, tandis que les animaux, ça court et ça se défend. Et donc, du point de vue énergétique, ce qui est important, c'est pas seulement quel est, dans le fond, l'intérêt énergétique de consommer telle ou telle espèce ou tel morceau de tel ou tel animal, mais de prendre en compte le coût énergétique de l'acquisition de cet animal. Et c'est quelque chose qu'on surtout quand on fait de l'archéologie, qu'on ne prend pas toujours en compte, mais les gens qui font de l'écologie humaine s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et vous voyez ici que c'est une étude de deux auteurs qui s'appellent Lupo et Schmitt, assez récente, où ils ont compilé des données venant de nombreuses descriptions de chasse d'animaux. Alors c'est surtout sur des espèces africaines. On fait un travail de compilation et un travail d'études statistiques très intéressant. Et ce qu'ils montrent de façon extrêmement claire, c'est que en fonction du poids de l'animal qu'on veut attraper, eh bien, il faut y consacrer plus ou moins de temps. Hein. Et encore une fois, ce sont des diagrammes qui sont des diagrammes avec des échelles logarithmiques. Donc, en gros, on part de petits animaux à peine plus gros qu'un rat, et puis c'est l'éléphant et la girafe. Mais vous voyez que la durée de la chasse en minutes n'est pas du tout la même. Hein. C'est-à-dire que pour attraper un petit animal, ça peut prendre quelques minutes. Pour attraper un éléphant, ça peut prendre quelques jours. Hein. Et donc, pendant ces quelques jours, eh bien, il faut courir derrière l'éléphant, il faut manger, donc on dépense de l'énergie, il faut trouver de l'énergie autre part. Et en plus, on n'est pas sûr d'attraper l'éléphant. D'accord ? S'ajoute un autre problème, c'est qu'une fois qu'on a chassé et tué l'éléphant avec beaucoup d'efforts, en loupant 4 éléphants sur 5, en y passant plusieurs jours, il faut le découper, il faut le dépecer. Et là encore, on a des chiffres qui ont été donnés qui sont assez extraordinaires. On voit des gens qui passent plusieurs jours à découper un éléphant. Toujours pareil, pendant ce temps-là, il faut qu'il mange. Et en plus, ça mobilise du monde, comme vous voyez, de découper un éléphant. Et donc, on peut, pour chaque espèce animale, calculer, dans le fond, le rapport entre la quantité de calories qu'on peut extraire d'un animal déterminé, d'une certaine taille, je sais pas, une girafe ou un éléphant, et puis rapporter ça à l'investissement en temps et en énergie pour acquérir cet animal. Et ce que l'on voit quand on fait ce genre de calcul, eh bien, c'est que, dans le fond, c'est pas très intéressant d'aller poursuivre les éléphants. Et que des animaux qui ont une taille moyenne, un buffle par exemple, eh bien, ce ratio entre l'investissement, enfin plutôt la quantité d'énergie extraite et l'investissement en temps, eh bien, il est 4 à 5 fois supérieur à ce qu'il est avec un animal comme un éléphant ou une girafe. Hein. Et même des petites antilopes donnent aussi des valeurs très, très supérieures. Alors, vous me direz, dans le fond, alors pourquoi on s'embête à aller chasser des grosses bêtes ? Il est possible qu'il y ait des raisons qui soient des raisons d'ordre plus culturel, social, que strictement économique. Et je reviens à cette notion de partage. Les chasseurs qui sont dans la nature, quand ils attrapent un petit animal, ils le mangent. C'est pour eux, si je peux dire. Les grosses bêtes, c'est des choses qu'ils vont ramener au groupe et qui vont être partagées avec le groupe, souvent, parfois même, avec des règles de partage qui font que la famille du chasseur, quasiment, n'y a pas droit, c'est pour les autres. Et donc, il y a tout un tas de raisons de cet ordre-là qui font que, occasionnellement, les groupes de chasseurs-cueilleurs vont capturer des très gros animaux. Et ça fait partie de cet ensemble de liens sociaux qui maintiennent la cohésion des groupes. Alors, l'éléphant, je vais en finir avec l'éléphant. Non seulement on a mis beaucoup de temps à le poursuivre, non seulement la plupart du temps il se sauve et on ne l'attrape pas. Une fois qu'on a réussi à le tuer, il faut passer 2 jours à le découper, si on a le personnel pour ça. Si on compte en plus le temps qu'il faut pour fumer la viande ou la sécher, si on veut la garder pendant un temps suffisant pour la consommer, vous voyez que tout ça, ça s'ajoute en fait au coût énergétique, si je peux dire, de l'acquisition de ces proies. Collège de France et France Culture vous présentent le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, trait de vise et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Aujourd'hui, l'alimentation. Maintenant qu'on a de la viande, eh bien, cette viande, d'autres formes de nourriture, on peut appliquer ça aussi au monde végétal, elle va être consommée. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, évidemment, quand on mange, on absorbe de l'énergie, mais on consomme de l'énergie aussi pour absorber la nourriture. Et vous vous souvenez que, quand je vous ai parlé lors de notre première rencontre du métabolisme basal et de la dépense énergétique chez l'homme, on a réservé, si je peux dire, une part du gâteau énergétique pour ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation, c'est-à-dire l'énergie que l'on dépense pour mastiquer, avaler, digérer. Et c'est une fois qu'on a retiré ça des calories absorbées avec la nourriture qu'on a, si je peux dire, la mesure du bénéfice de cette alimentation. Et donc, là aussi, les hommes ont tâcher de réduire au maximum cet effet thermique de l'alimentation, parce que c'est aussi un autre moyen, à qualité de nourriture égale, eh bien d'en extraire plus en termes de calories. Et au centre de ce processus de préparation de la nourriture et de baisse de l'effet thermique, eh bien se trouve la cuisson et l'utilisation du feu. Et c'est quelque chose qui a toujours beaucoup intéressé les anthropologues, les paléoanthropologues, et plus récemment encore plus, parce que on a pu faire beaucoup de mesures, dans le fond, sur l'effet de la cuisson et de la préparation de la nourriture pour, dans le fond, faciliter son ingestion et sa digestibilité par l'organisme. Vous voyez que, surtout pour des végétaux, le fait de cuire est très important. C'est-à-dire que si vous mangez des pommes de terre, alors les pommes de terre, il y a peu de chances que les Homo erectus en aient mangé, mais les bananes vertes, la digestibilité de bananes vertes, suivant qu'elles soient cuites ou crues, varie du simple au double. Hein. Donc, manger une banane verte non cuite, c'est comme manger la moitié d'une banane verte cuite. Donc, on s'est beaucoup intéressé à cette question de la cuisson en se demandant, dans le fond, quand est-ce qu'on a commencé à cuire les aliments pour pouvoir en profiter au maximum. Alors, il y a plusieurs écoles, à chaque fois des gens qui sont un petit peu extrémistes dans une direction ou une autre, mais il y a un groupe de chercheurs, en particulier autour du professeur Wrangham à Harvard, qui, dans le fond, ont lancé l'idée que dès l'Homo erectus, dès il y a à peine moins de 2 millions d'années, eh bien, il devait y avoir une forme de cuisson des aliments, parce que sinon, on a beaucoup de mal à imaginer que ces Homo erectus aient pu s'offrir, si je peux dire, un cerveau qui était beaucoup plus gros que celui des formes qui ont précédé. Alors, je veux pas paraître toujours négatif, mais je vous ai expliqué que d'attraper un éléphant, c'était drôlement bien, mais que ça coûtait quand même beaucoup d'énergie. Bien, faire cuire l'éléphant aussi, ça coûte de l'énergie. C'est-à-dire que évidemment, c'est très chouette de pouvoir cuire les aliments parce qu'on a un bénéfice énergétique, mais maintenant, il faut aller chercher le bois pour faire le feu. Et en fonction de la présence ou pas de bois ou d'autres combustibles dans l'environnement, on peut se trouver dans une situation où, en fait, ça coûte plus d'aller chercher le combustible que le bénéfice qu'on a à cuire l'aliment. Hein ? Et ça explique probablement pourquoi, en fait, pendant très longtemps, on a des sites paléolithiques où il n'y a pas de traces de feu. Hein. Même après, disons, 400 000 ans avant le présent, alors que on pense que 400 000 ans, 500 000 ans, c'est l'époque à laquelle le contrôle du feu et la production de feu est systématique pratiquement dans les populations humaines, avec avant ça une longue période d'habituation et de domestication, mais pas de présence systématique du feu, eh bien même dans des périodes beaucoup plus récentes, on trouve encore des sites où il n'y a pas de feu. Le gisement de Jonzac, avec ses accumulations d'os de rennes qui datent de 60 000 ans, c'est un gisement où pratiquement il n'y a pas de traces de feu. Alors, bon, peut-être que le feu était ailleurs, je ne sais pas, mais il faut aussi se rendre compte que dans un climat qui était un climat froid, avec une végétation très réduite, c'est pas évident de trouver des combustibles pour entretenir du feu. Et d'ailleurs, ces hommes ont souvent utilisé l'os lui-même comme combustible. Alors, bon, cela étant dit, si on a quelqu'un pour aller chercher le bois, le feu, c'est très bien. D'abord, ça rend la nourriture beaucoup plus assimilable, beaucoup plus, tendre. Donc, on économise sur la mastication. Et puis après, il y a d'autres bénéfices secondaires qu'on ne va pas discuter maintenant, mais qui sont des bénéfices en termes de sécurité, la possibilité de dormir au sol et de se protéger des prédateurs, ou même cette possibilité de sevrage pour les enfants. Souvenez que les hommes se caractérisent par ce sevrage très précoce. Si vous voulez sevrer les enfants à 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, c'est un peu difficile de leur donner un steak de mammouth à mastiquer sans autre forme de préparation. Hein. Donc la cuisson des matières grasses, la moelle, des choses comme ça, c'est probablement quelque chose qui fait partie des moyens de ce sevrage précoce. Et puis on sait chez les hommes actuels que si vous vous mettez à manger de la nourriture qui est complètement crue et uniquement de la nourriture crue, vous allez avoir des problèmes. Alors vous allez maigrir, c'est formidable, mais il faut pas persister trop longtemps dans cette voie-là parce que on a des effets physiologiques qui peuvent être assez désastreux. Alors il se trouve que c'est un des arguments de cette école de Wrangham et de ses collaborateurs. Il se trouve que autour de 1,8 million, on voit apparaître ces Homo erectus qui ont justement non seulement un cerveau qui est plus grand que celui des hominines qui vivaient avant, mais aussi une denture et un système masticateur en général, des mâchoires, qui sont beaucoup plus graciles, beaucoup plus réduites. Et donc, le raisonnement, c'est à la fois le grand cerveau, la réduction du système masticateur, donc il doit y avoir de la cuisson quelque part. Alors le problème, c'est que dans ces sites où on trouve ces Homo erectus de cette période-là, on n'a pas de foyer, on n'a pas de traces de cuisson. On a de temps en temps des traces de feu, mais on discute beaucoup pour savoir si ce n'est pas des feux naturels, en fait, hein. Mais en tout cas, on a l'impression que le feu contrôlé, produit systématiquement et j'allais dire géré par les groupes humains, c'est une affaire qui est beaucoup plus tardive. Alors on s'est rendu compte récemment à travers un certain nombre d'études qu'en fait, on avait peut-être un peu trop rapidement oublié que à part la cuisson, il y a d'autres formes de préparation des aliments et que ces autres formes de préparation des aliments peuvent faciliter l'ingestion et réduire le coût de la mastication, voire de la digestion. Alors, il y en a qui sont un peu ragoûtants, comme par exemple manger de la viande pourrie, mais il y a une expérience très intéressante qui a été faite d'ailleurs, dans la même université que celle de Wrangham, où se trouve le professeur Lieberman, où il a mesuré la quantité d'énergie que l'on dépense lorsque l'on mastique des aliments qui sont cuits, mais aussi des aliments qui ont été dilacérés avec un outil, comme on pourrait le faire avec un outil de pierre. Et le résultat de ces expériences, c'est qu'en fait, sans aucune cuisson, mais simplement en utilisant des outils de pierre, on peut déjà atteindre à peu près la moitié du bénéfice que l'on obtiendrait en cuisant les aliments. C'est cohérent avec cette idée qu'effectivement, c'est plutôt au cours du dernier demi-million d'années qu'on a le développement de la cuisson proprement dite. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, occasionnellement, les hommes ne bénéficiaient pas d'un animal qui avait été, j'allais dire, grillé naturellement par un feu, par exemple, de brousse. Il est difficile de ne pas mettre en parallèle cette utilisation systématique du feu au cours du dernier demi-million d'années avec cette augmentation très importante du coefficient d'encéphalisation chez les derniers hominines comme les néandertaliens et les hommes modernes. Alors, on avance dans le temps, on a parlé beaucoup des Homo erectus, je voudrais vous dire quelques mots sur le régime alimentaire des néandertaliens et des hommes modernes, justement. Je vous ai dit qu'on a eu tendance un petit peu à exagérer, si je peux dire, le côté carnivore des chasseurs-cueilleurs paléolithiques à cause de la présence de ces restes de faune très très abondants dans les sites archéologiques et puis aussi à cause des données isotopiques. Alors les données isotopiques, en voilà quelques-unes pour des néandertaliens. Ces cadres représentent des gisements hein, de l'ouest de la France, enfin du sud-ouest de la France, et puis de Belgique ici. Ce que vous avez représenté sont les valeurs isotopiques pour le carbone 13 et l'azote 15 pour différentes espèces animales qui sont représentées ici. Les espèces qui sont représentées par des gros ronds noirs ou des gros carrés noirs, ce sont des carnivores, ce sont des hyènes et des loups, hein, dans ces gisements-là. Et dans ces gisements-là, les étoiles rouges représentent les hommes de Néandertal que l'on trouve dans ces sites. Et vous voyez que systématiquement, ces hommes de Néandertal, non seulement sont très hauts dans la chaîne trophique, mais ils sont même au-dessus des carnivores. Hein. Et donc ça a été l'argument très fort au cours, je dirais, des 15-20 dernières années, pour penser que les Néandertaliens, en tout cas ceux qui vivent dans des climats des moyennes latitudes, eh bien, c'était des formes hypercarnivores. Lorsque l'on regarde les valeurs isotopiques, non pas des Néandertaliens, mais des hommes modernes qui les remplacent à partir de 45 000 à peu près en Europe, vous voyez que ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe, ils ont des valeurs isotopiques qui sont encore plus élevées que celles des Néandertaliens. Alors là, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Les Néandertaliens sont déjà au-dessus des loups et des hyènes. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils mangent, mais il faut être drôlement carnivore. Et on a des hommes modernes qui sont encore au-dessus. Alors, je vous rappelle que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avec différentes chaînes trophiques, avec des valeurs pour différentes espèces, pour l'azote 15, qui s'enracinaient dans des plantes en C3 ou des plantes en C4, il y avait une colonne avec des animaux marins, et même des animaux aquatiques non marins. Et ces animaux aquatiques, eh bien, eux montent très très haut dans les valeurs de l'azote 15. Et l'idée qui s'est développée autour de cette observation que les premiers hommes modernes qui arrivent en Europe eh bien, ont des valeurs isotopiques encore plus élevées que celles des Néandertaliens, c'est que, eh bien, il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que les Néandertaliens sont peut-être hyper carnivores, mais surtout, les hommes modernes ajoutent à ce régime de prédation sur des mammifères de taille moyenne ou de grande taille, ils ajoutent la consommation d'autres sources d'aliments, et en particulier du poisson. Et je vous ai fait ici un petit collage qui représente les espèces qui sont trouvées dans un gisement du Paléolithique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, du Bade-Wurtemberg, qui s'appelle Hohlefels, où il y a plusieurs niveaux du Paléolithique supérieur, depuis l'Aurignacien jusque Gravessien ou Magdalénien, je crois. Et en fait, il y a toute une variété de poissons qui ont été exploités par ces hommes. D'ailleurs, en fonction de la saison, des espèces qui sont exploitées différemment. Bon, les salmonidés, vous savez que ça migre, hein, et donc on les exploite de façon saisonnière, mais ces hommes utilisent aussi d'autres espèces. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'explication que l'on a produite. Au passage, je vous signale que dans ces sites du Poétique supérieur de l'ouest de l'Allemagne, on a aussi de nombreuses œuvres d'art, et en particulier des petites figurines animales que l'on trouve dès l'Aurignacien, c'est-à-dire dès les premières occupations d'hommes modernes, et on trouve dans ces figurines animales, eh ben, des poissons qui sont figurés, hein. Enfin, on interprète ça comme un poisson, un saumon, quelque chose comme ça. Et je vous ai mis aussi une figurine qui montre un oiseau pour vous dire que, en fait, ce qui semble se passer avec l'arrivée des hommes modernes au moment du remplacement des Néandertaliens, c'est que ces hommes modernes exploitent un spectre alimentaire qui est beaucoup plus étendu. Alors, ce ne sont pas des choses complètement nouvelles. Les Néandertaliens, occasionnellement, s'ils pouvaient attraper un oiseau ou un poisson, ils le jetaient pas, ils le mangeaient. Mais là, il y a une exploitation systématique du petit gibier, peut-être avec des pièges, peut-être avec des filets. On a aussi beaucoup parlé de la division sexuelle du travail à cette époque-là, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, les femmes sont plus orientées vers la récolte de choses, et quand je dis la récolte, ça concerne aussi les petits animaux, alors qu'on a des chasseurs qui vont chasser les grosses bêtes. Évidemment, certains trouvent que c'est très sexiste de penser comme ça, mais en tout cas, le fait est que on trouve les restes de tous ces animaux dans ces sites du Paléolithique supérieur. Alors, je voudrais quand même, pour finir, jeter un regard un peu critique sur ce scénario que je viens de vous raconter, en particulier sur cette idée que les Néandertaliens et même les premiers hommes modernes en Europe sont des hyper-carnivores. Alors, j'ai déjà dit que, en fait, les données qui étaient produites par les isotopes du carbone et de l'azote, en particulier de l'azote, c'était des données qui étaient surtout produites par des gisements des moyennes latitudes. Pourquoi ? Parce que dans le sud, souvent, il n'y a pas de collagène. On attend les résultats du zinc. Peut-être on va voir que le zinc va nous donner un signal assez différent quand on va pouvoir aller mesurer les isotopes du zinc dans des gisements méditerranéens, par exemple. Et on a déjà une indication avec les micro-usures dentaires. Parce que vous savez, les micro-usures dentaires, leur étude ne dépend pas du climat ou de la zone d'origine. Et il y a quelques années de ça, une jeune chercheuse libanaise a publié une série d'analyses sur des Néandertaliens qui sont répartis sur l'Europe et même une partie du Proche-Orient. Et ce qu'elle a montré dans cette étude, en fait, c'est que ces topographies que l'on observe sous le microscope et que l'on peut analyser avec ces logiciels d'analyse tridimensionnelle, eh bien, ces topographies sont extrêmement variées et qu'en fait, elles semblent dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel ces hommes ont vécu et que, effectivement, si les Néandertaliens qui vivaient dans des climats plutôt froids et dans des latitudes plutôt élevées semblent très carnivores, eh bien, ça n'est pas vrai forcément des Néandertaliens qui vivent dans les zones méditerranéennes et qui semblent plus consommateurs de végétaux. Une autre étude du même genre a aussi montré que, dans le fond, on observait le même genre de variation au sein de ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, le régime alimentaire des hommes modernes ressemble plus à celui des Néandertaliens de la région dans laquelle ils arrivent qu'à celui des autres hommes modernes en général. Donc tout ça semble dépendre quand même beaucoup de l'environnement. Et puis alors, surtout, il y a eu des études qui ont été menée par plusieurs chercheurs, mais je pense en particulier à Amanda Henry, qui est à l'université de Leyde maintenant, et qui sont des études qui ont essayé de mettre en évidence des particules alimentaires piégées dans le tartre dentaire. Vous savez, cette histoire de tartre dentaire, c'est terrible, parce que autrefois, quand on trouvait des fossiles, j'ai encore connu ça, quand on trouvait des fossiles, on voulait les nettoyer le plus possible pour les mettre dans des musées et qu'ils aient des dents magnifiques. Et donc, les gens qui préparaient les fossiles, quand il y avait du tartre dentaire, souvent d'ailleurs, ils pensaient que c'était, enfin, ils ne savaient pas que c'était du tartre, ils pensaient que c'était du calcaire qui était déposé sur les dents, très soigneusement enlever tout ça. Et maintenant, on se rend compte que c'était une bêtise épouvantable, parce qu'en fait, ce tartre dentaire, il contient de l'ADN, il contient des particules de toutes sortes, il nous donne des indications sur le microbiome de ces formes anciennes, et il contient donc des restes alimentaires, et notamment des restes alimentaires de végétaux. Et ce qu'on a découvert, ce qu'Amanda Andry et d'autres à sa suite ont découvert, c'est que dans ce tartre dentaire, on trouvait des grains d'amidon et on trouvait ces fameux phytolithes. Vous savez, je vous expliquais que dans les plantes, il y a des petites particules siliceuses qui sont dans les tiges, dans les feuilles. Et toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans le tartre dentaire. Alors, on ne peut pas faire de mesures vraiment quantitative, parce que quand on trouve des particules de ce type-là dans du tartre de néandertalien, ça veut dire qu'à un moment donné, ce néandertalien a eu ça dans la bouche. Maintenant, est-ce qu'il en mangeait tous les matins? Est-ce qu'il en mangeait juste à une certaine saison? C'est assez difficile à définir. Mais on a déjà identifié toute une série de plantes qui ont été consommées par les néandertaliens. Alors, bon, des dates, il n'y en a pas dans le nord de la France, hein, surtout au Pléistocène. Mais je vous rappelle que des Néandertaliens, il y en a qui ont vécu au Proche-Orient. Et donc, on a une liste de plantes. En particulier, on s'est rendu compte que en Europe, les Néandertaliens ont consommé des graminées. On pense qu'ils les ont probablement consommées vertes, hein, parce que c'était plus facile à consommer. Ils ont aussi consommé des tubercules de plantes, et en particulier des plantes aquatiques, comme les nymphéas, qui font un gros tubercule. Et ils ont aussi consommé des choses comme des noisettes, des choses comme ça. Et donc, il y a tout un spectre de végétaux, maintenant, que l'on reconnaît dans cette alimentation des néandertaliens, et qui, donc, change un peu cette image du néandertalien hyper carnivore, courant derrière les rennes, les chevaux, voire des plus grosses bêtes. Et puis on commence à envisager d'autres espèces, et on est activement en train de chercher des traces de ces espèces dans le tartre dentaire d'autres néandertaliens. Et il y a tout un travail qui se fait actuellement de recensement de plantes qui, même dans des climats tempérés et même dans des climats tempérés froids, peuvent être utilisées. Ont pu être utilisés par ces chasseurs du paléolithique moyen. Et en particulier, on met beaucoup l'accent sur des plantes aquatiques, hein, qui poussent, alors qui ne sont pas très spectaculaires. Quand vous voyez des joncs comme cela, ça ne vous donne pas très envie d'aller les manger. Mais en fait, vous avez tort. Vous avez tort parce que même en plein hiver, quand il y a du gel, et même quand cette étendue d'eau a disparu, on peut encore repérer ces plantes dans le paysage, et si on creuse, eh bien on va trouver ces fameux bulbes, ces fameux tubercules, où on trouve des hydrates de carbone qui sont parfaitement digestibles et parfaitement comestibles. Alors, ce que l'on pense, c'est que cette part de l'alimentation, c'était une part de l'alimentation qui n'était pas forcément extrêmement significative en termes d'apport calorique, mais qui était extrêmement importante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes un chasseur et que vous consommez de la viande, que vous consommez des protéines, eh bien en fait, votre capacité à digérer ces protéines, elle est limitée par les capacités de votre foie. Et votre foie ne vous autorise pas à digérer plus qu'une certaine quantité de protéines animales par jour. Et pour digérer ces protéines, eh bien, vous avez besoin soit de graisse, soit d'hydrates de carbone. C'est pour ça que vous avez envie de manger du pain quand vous mangez un steak. Hein. C'est le steak frites, c'est un peu ça. Donc on a ce besoin d'hydrates de carbone, de graisse, pour consommer les protéines. Et on connaît des histoires terribles de gens qui sont morts de faim alors qu'ils avaient à leur disposition des animaux. Hein. Et quand il n'y a pas d'animaux gras, comme c'est le cas à la fin de l'hiver, eh bien à ce moment-là, ces hydrates de carbone qu'on peut extraire de ces végétaux que l'on trouve en particulier dans les mares gelées, les mares asséchées, etc., peuvent avoir été non seulement une solution, mais même une solution indispensable pour la survie de ces groupes. Alors, il nous reste, pour finir, il nous reste quand même un petit mystère à résoudre. Pourquoi nos Néandertaliens se retrouvent avec des valeurs isotopiques pour notre azote 15 au-dessus des loups, au-dessus des hyènes, au-dessus des lions? Qu'est-ce qu'ils mangent donc? Alors, on pense que, d'abord, effectivement, ce signal de consommation de viande, il est un peu exagéré pour toutes les raisons que je vous ai données, mais on pense qu'il y a peut-être, dans ce signal de la, comment dire, d'une valeur très très élevée en carbone 15, peut-être le signe d'autre chose que la consommation de viande. Et on a pensé à différentes choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de la viande pourrie. Certains ont proposé le fait de consommer systématiquement de la viande pourrie peut élever la valeur en carbone 15. Et puis il y a aussi autre chose qui maintenant est de plus en plus pris en considération, c'est le fait d'être exposé à des épisodes de famine. Et vous vous souvenez que nos hommes, nos bébés, eh bien, ils ont beaucoup de gras. Et ce gras, il leur sert à survivre pendant les périodes qui sont des périodes de disette et à pouvoir nourrir leur cerveau. Mais il y a un moment donné où on a épuisé son gras. Et à ce moment-là, si on est exposé vraiment à une disette très intense, on va commencer à digérer d'autres parties de son organisme, et en particulier, on va commencer à manger ses propres protéines. Et il y a des études qui montrent que les gens aujourd'hui qui souffrent d'anorexie, eh bien, ont des valeurs en azote 15 qui sont très au-dessus des valeurs normales, et c'est probablement une conséquence de cette anorexie. Alors, ils ne sont pas exposés à une disette, c'est eux-mêmes qui s'imposent cette disette-là, mais on voit qu'il y a une variation en sens inverse de l'indice de masse corporelle et de la valeur en azote 15 pour des individus qui sont exposés à ces phénomènes d'anorexie. Une des idées, c'est que nos Néandertaliens peut-être étaient exposés à des périodes de disette assez intenses, en tout cas saisonnières. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 31 octobre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui l'alimentation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléanthropologie du genre homo ». Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin. Il sera question du coût de la bipédie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.